silence traîne. Ne te retourne pas, regarde devant toi. Vire à gauche, vire à droite. Je veux filer dans la nuit moite. Appuie, bon Dieu, appuie. Accélère, accélère. Faut me faire vivre. Et la nuit j'ai des frères. Cherche ou trouve. Car chacun de tes pas une autre porte s'ouvre. Toujours découvrir. Même si le coup du fil est simplement mourir. Chauffer les moteurs. Je sais la route par cœur. Que me porte la machine. Je t'étends ma poitrine. Plus envie. Plus d'énergie. Pour chaque jour de ma vie. Souviens-moi de l'ordinaire. Plus d'envie, non, non, non. Plus d'énergie. Pour chaque jour de ma vie. L'ordinaire, je ne peux pas m'y faire. New York, Rome, La Réunion, ou d'autres horizons. Partir, et puis revenir. Agir, toujours agir si tu ne veux pas mourir. Chauffer les moteurs. Ta route va droit au cœur. Et ta machine ira loin. Tant que tu tendras ton sein. Mais, plus d'envie. Plus d'énergie. Pour chaque jour de ma vie. Sauvez-moi de l'ordinaire. Plus d'envie, non, non, non. Plus d'énergie. Pour chaque jour de ma vie.